بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى en cette nuit du 28 de l'Qi'da 1441 qui correspond au 18 juillet 2020. On se retrouve sur les radios de la radio, sur les ondes de la radio du site Taqwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et on se retrouve ce soir pour un sujet qui est d'actualité et qui est très important et qui concerne une noble saison qui arrive, que nous allons accueillir d'ici 2 ou 3 jours, qui sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Donc, dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois de Dhul-Hijja et accueillir, Inch'Allah, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Eh oui, les jours et les mois passent comme l'éclair. Et le comblé de bien, c'est celui qui œuvre et profite des saisons méritoires et remplit, il est rempli avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de vivre ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, nous devons nous rappeler les spécificités de celle-ci. D'où cette assise pour se rappeler les mérites et les spécificités des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Allah Azza wa Jal crée ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il choisit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il est ce qu'il veut, et il élit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul qui crée, le seul qui choisit, il est le seul qui élève, subhanahu wa ta'ala. Allah choisit ce qu'il veut comme temps, et ce qu'il veut comme endroit, et ce qu'il veut comme personne, hein, et il leur donne des spécificités et des particularités et des mérites particuliers aux endroits, aux temps et aux personnes qu'il a choisi, subhanahu wa ta'ala, qu'il a élu pour ça. Subhanahu wa ta'ala, il a donné de grands mérites à la Mecque et à Médine par rapport aux autres pays. Et il a élu et donné de grands mérites au mois de Ramadan par rapport aux autres mois. Et subhanahu wa ta'ala a donné des mérites spécifiques aux 10 premiers jours, aux 10 dernières nuits de Ramadan. Et il a donné une spécificité particulière à la nuit du destin, puisque l'adoration lors de cette nuit a la récompense de 1000 mois, dans lequel il n'y a pas la nuit du destin. Allah Azza wa Jal a donné des mérites spécifiques aux 10 premiers jours de Dhul-Hijja par rapport aux autres jours de l'année. Et il a décrété que l'accomplissement des œuvres durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja est plus méritoire que les autres jours de l'année. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas 10 jours où les œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-là. C'est-à-dire, il parlait des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et les compagnons ont demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, pas même le combat sur le sentier d'Allah. Et il a dit, alayhi salatu salam, pas même le combat sur le sentier d'Allah. Sauf celui qui s'engage au combat, consacrant sa vie, ses biens, sans en revenir, répondit le messager d'Allah. Cela, ce qu'a dit le messager alayhi salatu salam, prouve l'importance de ces 10 premiers jours du Dhul-Hijja. Et que les bonnes œuvres, diront celles-ci, sont les plus aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve que ce sont des jours où il faut faire beaucoup d'efforts. Nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, rivalisaient dans les bonnes œuvres durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja. pour bénéficier de leurs mérites et de leurs récompenses, et des récompenses qui en découlent durant cette noble saison. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, Allah leur a donné une spécificité et des mérites particuliers. Et vu l'importance de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, Allah a fait le serment avec, et cela pour l'honneur et l'importance de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja chez Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل والفجر وليال عشر. La traduction approximative du sens du verset, par l'aube et les 10 nuits. Selon la parole d'un groupe d'exégètes du Coran, et parmi eux, Abdullah ibn Abbas, ce qui est voulu ici par les 10 nuits, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Il a été dit aussi que ça désigne les 10 dernières nuits de Ramadan. D'où la divergence entre les savants. C'est laquelle des cannes qui est plus méritoire que l'autre, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja ou les 10 dernières nuits de Ramadan. Et la parole prépondérante chez les authentificateurs parmi les savants, c'est ce qu'a confirmé Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants. Les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Et les 10 premiers jours de Dhul-Hijja sont les meilleurs jours de l'année. Donc, les nuits méritoires de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Et les jours, et les meilleurs jours, et les jours méritoires de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Les 10 dernières nuits de Ramadan, comme vous le savez, on veille dans la vocation d'Allah, et dans les vocations, dans les prières, dans la lecture du Coran et dans d'autres formes d'adoration. Et quand ces nuits arrivent, les dernières nuits du mois de Ramadan, le messager d'Allah double d'efforts et réveille sa famille. Et dans cette dernière décade du mois de Ramadan, il y a la nuit du destin qui est mieux que 1000 mois. Et dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, il y a le jour de Arafat, le meilleur des jours durant lequel le soleil s'est levé, comme a dit notre prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith authentique, et dans un hadith authentique, il est dit le meilleur des du'as est le du'a de Arafat. Et le du'a du jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai dite, ainsi que les prophètes avant moi, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku. Et dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, il y a le jour du sacrifice. Les savants le considèrent le plus méritoire des jours dans l'absolu, à cause de la parole confirmée du prophète alayhi salam qui a dit, le plus grand jour pour Allah, c'est le jour du sacrifice. A'zamu al-ayyam 'inda Allah yawm an-nahr. D'où la divergence entre les savants. Quel est le plus méritoire des deux jours, le jour de Arafat ou le jour du sacrifice? Et ces deux nobles jours font partie des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et dans ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, il y a Yawm al-Tarwiyah, qui est le 8e jour de Dhul-Hijja, durant lequel les pèlerins quittent la Mecque pour aller à Minan. Il a été appelé ainsi Tarwiyah, Yawm Tarwiyah, le jour de Tarwiyah, car les pèlerins à cette époque faisaient les provisions d'eau pour pouvoir avoir de l'eau à boire à Minan. Ils emportaient l'eau de la Mecque. Et regardez la grâce avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés actuellement. Cet État qui s'occupe du pèlerinage a fait que l'eau est arrivée, ils ont acheminé l'eau jusqu'à Minan. Et qu'on peut avoir de l'eau pour se laver, comme on peut avoir même de l'eau de Zemzem à boire en étant à Minan. Alors que ceux qui sont passés avant nous, hein, se charger avec de l'eau pour l'amener avec eux pour passer, hein, les jours qu'ils doivent passer à Minel. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Au résumé, il y a des nuits méritoires qui sont celles de la fin de Ramadan. Il y a des journées méritoires qui sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, qui sont des jours durant lesquels le doué de raison doit accomplir les bonnes œuvres. Saïd ibn Jubayr, l'un de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, un grand savant et un grand jurisconsulte, quand arrivent les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, faisait de grands efforts au point que ses contemporains ne pouvaient pas rivaliser avec lui. Rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar rahimahullah a dit, la cause du mérite de cette dizaine de jours du début de Dhul-Hijja, c'est qu'il réunit la synthèse de l'adoration, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, le sacrifice, ce qui ne se produit pas dans les autres jours de l'année. Donc, puisque nous connaissons, et ceci ce n'est qu'un rappel et la louange, puisque nous connaissons, hein, tous les mérites, tous les mérites des 10 premiers jours de Dhul-Hijja et la louange est à Allah, et que nous connaissons tous l'honneur et de la bonne œuvre accomplie lors de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, donc il est de notre devoir de faire des efforts sur nous-mêmes pour remplir et pour recouper nos journées durant ces 10 premiers jours du Dhul-Hijja avec les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et parmi les œuvres préférables durant ces 10 premiers jours du Dhul-Hijja, il y a, pour ceux qui le peuvent, mais cette année, c'est une année particulière, l'année de la pandémie de Corona, beaucoup ne pourront pas, une grande partie du monde de musulmans ne pourront pas accomplir leur pèlerinage. Et parmi les bonnes œuvres à accomplir durant ces 10 premiers jours de l'Hijja, l'accomplissement du pèlerinage, il n'y a aucun doute que le pèlerinage est une adoration méritoire et c'est une noble adoration que peut accomplir le musulman durant ses 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et les mérites du Hajj sont immenses, comme ceci est relaté dans maint hadith de notre messager alayhi salatu wassalam. Et il y a aussi parmi les œuvres à accomplir durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, le fait de jeûner le jour de Arafat, qui fait partie des jeûnes qui ont beaucoup de mérite. C'est un jeûne méritoire. Il est préférable que celui qui ne fait pas le pèlerinage de le jeûner. Et c'est le 9e jour de Dhul-Hijja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il fut interrogé au sujet du jeûne de Arafat, du jour de Arafat, il répondait, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner ce jour expie les péchés commis entre l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Pourquoi? Parce que Dhul-Hijja, c'est le dernier mois de l'année qui s'écoule. Hein? Et le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Et le jeûne fait partie des bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc, il est préférable de jeûner durant ces 10 premiers jours, ces neuf jours de Dhul-Hijja, puisque le 10e, c'est le jour du Eid, et il est interdit de le jeûner. Donc, de jeûner le maximum qu'on peut durant ces 9 premiers jours de Dhul-Hijja. Parce que le jeûne est un acte d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et il fait partie des bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, le messager nous a dit, dans le hadith cité auparavant, il n'est pas du jour où les bonnes œuvres sont aimées d'Allah que ces jours-là. Et il parlait des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Le jeûne déjà été mis en Allah Azza wa Jal. Imagine ici, on le fait durant 10 journées où Allah subhanahu wa ta'ala aime que les œuvres soient accomplies durant ces journées. Il aime les œuvres qui sont accomplies durant cette saison qui sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Imagine un peu la grâce et la miséricorde avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous comble. Donc, le jeûne durant ces 9 premiers jours de Dhul-Hijja fait partie des bonnes œuvres. Et ça suffit qu'on mérite au jeûne qu'Allah l'a élu comme dans le hadith Qudsi. Toute l'œuvre appartient à la descendance d'Adam. La hasana est multipliée par 10 fois jusqu'à 700 fois. Sauf le jeûne, elle est pour moi. Et c'est moi qui en fixe la récompense. Donc le jeûne fait partie donc de l'ensemble des bonnes œuvres qu'il faut accomplir durant cette noble saison. Nawawi rahimahullah a dit, il est fortement préférable de jeûner durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et parmi les bonnes œuvres aussi qu'il faut accomplir durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, c'est tasbih wa tahlil wa takbir, c'est le fait de proclamer l'unicité d'Allah, de proclamer la grandeur d'Allah, de glorifier Allah, de faire les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, et l'évocation d'Allah et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, la proclamation de l'unicité d'Allah et de sa grandeur, il n'y a aucun doute que ceci est une noble œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Hein? Et durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, les hommes lèvent la voix avec la proclamation de la grandeur d'Allah et de l'unicité d'Allah, les louanges à Allah, les glorifications d'Allah, que ce soit à la maison, ou dans le travail, ou sur le marché, ou autre. Et les femmes le font, mais à voix basse. Et les hommes doivent élever la voix pour être dans la sunna du messager, alayhi salatu wassalam, et pour se conformer, hein, à sa sunna, alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Il est dit dans le verset cité ici dans la traduction approximative du sens du verset, pour avoir les avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Et dans l'autre verset, la traduction approximative du sens du verset nous dit « Il a invoqué Allah pendant un nombre de jours déterminés. » Dans ce qui est rapporté chez l'imam Bukhari, rahimahullah, d'Abdullah ibn Abbas, concernant l'ayyam al-ma'loumat, les jours fixés, il a dit « Ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. » Et concernant le nombre de jours déterminés, ce sont « ayyam tchrir » c'est-à-dire le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijja. Ayyam Tchriq, pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'ils viennent après le jour du sacrifice qui est le 10e, et pendant ces jours-là, les gens avaient l'habitude de faire sécher, hein, une partie de la viande de leur offrande au soleil. C'est pour ça qu'on les appelle Ayyam Tchriq. Et là, j'attire, trace l'attention de nos frères, ici, en Europe, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une certaine largesse pour le sacrifice, une certaine aisance. Nous avons 4 jours pour l'accomplir. Donc il ne faut pas chercher des prétextes. Si il nous est obligatoire par les lois du pays dans lequel nous sommes d'égorger dans les abattoirs et d'aller dans les abattoirs, il n'y a pas de mal. Si on n'arrive pas le 10e jour de Dhul-Hijja, on prend notre tour pour le 11e jour. Si on n'y arrive pas, le 12e jour, sinon le 13e jour, avant Salat al-Asr, hein? Avant le coucher de soleil de ce jour-là, Et donc, où nous avons une plage de jour qui est importante pour accomplir notre adoration. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas faire. Si j'arrive pas à le faire le 10, ben si je le fais dans l'un des autres jours, ben j'aurai accompli mon acte d'adoration. Et qu'on ne cherche pas les facilités. Hein? Quand on ne peut pas le faire chez soi, à la maison, ben on est contraint à suivre pour ne pas tomber dans une situation beaucoup plus grave. À payer des sommes faramineuses et à se retrouver dans le box des accusés, dans les tribunaux et ainsi de suite. Pourquoi se jeter dans la gueule du lot alors que nous avons une certaine largesse, une certaine aisance pour accomplir cet acte d'adoration? L'essentiel, c'est de l'accomplir. Et donc, pour les jours fixés, ce sont les deux premiers jours de Dhul-Hijja. Et pour les jours déterminés, ce sont Ayyam Tchriq, le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijja. C'est ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Et c'est aussi la parole d'Abu Moussa al-Ash'ari. Et la parole, tout ceci, concernant les jours fixés et les jours déterminés, c'est la parole d'Abdullah ibn Abbas, d'Abu Moussa al-Ash'ari, de Mujahid, de Qatada et d'autres nobles hommes de science. Et il est confirmé dans la Sunna que l'invocation d'Allah, et il est confirmé dans la Sunna, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mérites de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en temps normal. Alors qu'est-ce qu'il en est de sa récompense et de ses mérites pendant une noble saison comme celle-ci que nous allons accueillir, incha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie la vie. Et dans le hadith cité auparavant, il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-là, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, et l'invocation d'Allah est une œuvre aimée par Allah. Et il y a plusieurs hadiths qui argumentent cela. Abdullah ibn Umar rapporte du messager alayhi salatu wassalam qui a dit « Ma min ayyamin a'zamu inda Allah azza wa jal wa la ahabbu fihinna al-amal » من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير رواه أحمد وصححه بعض المحدثين et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par certains nombres de hadith il est dit Abdullah ibn Umar dit que le messager alayhi salatu wassalam a dit il n'est pas de jour plus important chez Allah où les bonnes œuvres sont aimées d'Allah que ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et il a dit louez Allah beaucoup, faites beaucoup de louanges à Allah et proclamez la grandeur d'Allah beaucoup et proclamez son unicité beaucoup durant ces jours. Et il a été confirmé qu'Abdullah ibn Umar ainsi qu'Abu Huraira et d'autres nobles compagnons sortaient au marché pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijja en proclamant la grandeur d'Allah et l'unicité d'Allah et les gens dans les marchés sur les places du marché les imitaient. Et donc, en étant dans un pays de l'islam, nous ne devons pas avoir honte à proclamer la grandeur d'Allah et à louer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les rues, que ce soit à la maison, à la terrasse de la maison, peu importe où nous soyons. Parce que nous élevons la voix avec quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et c'est pas celui qui élève la voix avec une obéissance que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée qui doit avoir honte, c'est plutôt l'autre, hein, qui dit des énormités, des grossièretés, etc., qui doit avoir honte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage, il raffermit notre foi, il la renforce pour accomplir sa religion comme il se doit. Et aussi, pendant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, il y a des glorifications et des invocations qui sont conditionnées et d'autres qui sont absolues. Les glorifications et la proclamation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala absolue commencent dès le premier jour de Dhul Hijjah jusqu'à la fin du jour d'Al Tashriq, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 13e jour de Dhul Hijjah, qui est le dernier jour des jours de Tashriq. Et donc les hommes, les femmes invoquent Allah à tout moment et en tout lieu. Les hommes à voix honte, à voix haute, et les femmes à voix basse. Il a été rapporté différentes formules que disaient les nobles compagnons d'Allah alayhim, comme celle-ci: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et on glorifie et on proclame la grandeur d'Allah et on loue Allah avec toute autre formule légiférée. Hein? Quant à la proclamation d'Allah conditionnée par le temps, c'est celle qui se dit après les prières obligatoires et surrogatoires. Il n'y a pas de différence entre les prières obligatoires et surrogatoires. À la fin de ces prières-là, une fois qu'on sort de la prière, on les dit. Et cela commence les jours de Arafat après Salat al-Fajr. Et se termine après le Asr du 13e jour de Dhul Hijjah. Donc nous allons rentrer dans une saison, Inch'Allah, qui est une saison d'invocation d'Allah Azza wa Jal. Une saison d'accomplissement des obéissances. Et c'est une saison de commerce qui draine beaucoup de bénéfices pour les soumis à Allah. Et c'est un commerce pour le delà, et non pas pour ce bas monde. Bien sûr, il prodigue beaucoup de biens dans ce bas monde, mais c'est un commerce pour acquérir les biens, les grands biens qui sont encore plus immenses que le bien que nous obtenons dans ce bas monde, qui sont les biens de l'au-delà, la satisfaction d'Allah, l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Et il est déterminé que les commerçants dans leur commerce donnent l'importance aux saisons commerciales. Il s'apprévisionne de marchandises qui convient à la saison. Il ne rate aucun jour. Et ceci, vous le voyez devant vous. Vous voyez comment ils s'attellent à ça là. Et comment ils s'organisent. Comment ils embellissent leur commerce. Et les marchandises de la saison. Ils se préparent pour la saison à l'avance. En se procurant les marchandises. En réservant les places sur les marchés. Ou sur la place des foires, etc. Ils donnent beaucoup d'efforts, ils dorment peu et se sacrifient beaucoup pour la saison. Tout cela car le cœur a donné l'importance à ce qu'ils vont faire et à ce qu'ils font. Et la situation est encore plus importante chez les gens de la foi. Quand approche les saisons pour œuvrer pour le delà, il se prépare, il se libère pour ne pas rater la saison, ils font tout ce qui est en leur capacité pour tirer le meilleur profit de la saison. Ils font tout pour ne pas rater les saisons méritoires et les moments importants pour se rapprocher d'Allah. Mais quand la foi de la personne faiblit et que sa certitude diminue, et qu'il est accaparé par le mondain, éphémère, les nobles saisons passent devant lui, et rien ne change pour lui. Il ne se rend pas compte, et il les passe comme n'importe quel jour de l'année. Il ne fait aucune différence entre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ou les 10 dernières nuits de Ramadan, et les autres jours et les autres nuits de l'année. C'est pour ça, il ne prodigue aucun effort. Il ne s'active pas dans le bien. La cause, la faiblesse de la foi. Et le fait que son esprit est accaparé par ce bas monde et ses occupations. Et aussi, l'une des causes, c'est le fait de ne pas connaître les mérites des œuvres et les mérites des saisons. Et ceci est un chapitre très important auxquels nous devons donner une importance, les mérites des œuvres et les mérites des saisons. Et il est des choses importantes dans la vie du musulman, c'est qu'il doit se préparer pour les saisons méritoires et en profiter. D'où l'importance de se préparer pour accueillir cette noble saison qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijja, en faisant des efforts pour renforcer la foi. Et comme tout le monde le sait, la foi augmente et diminue, et se renforce et faiblit. Et pour son augmentation, il y a des causes. Et pour sa diminution, il y a des causes aussi. Et pour la rendre solide et forte, il y a des causes. Et pour qu'il faiblisse, il y a des causes aussi. Donc on est obligé de faire des efforts sur nous-mêmes, constamment, et plus encore pendant les saisons de mérite, en renforçant notre foi, notre certitude, pour ne pas rater les mérites de ces nobles jours qui arrivent. Et il est légiféré d'accueillir ces jours méritoires avec le repentir, car les péchés enchaînent la personne et le privent du bien et rendent le chemin sombre pour la personne. Les péchés détournent les cœurs du bien. C'est pour ça qu'il est légiféré aux musulmans d'accueillir les jours et les saisons méritoires avec un retour vers Allah et un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Si les cœurs ne réagissent pas avec le repentir et l'orientation vers Allah à l'approche des jours méritoires, quand est-ce qu'ils vont réagir? Si le cœur de l'être humain persiste dans sa déviance et dans sa négligence et dans son penchant pour le mal pendant les jours méritoires, quand est-ce qu'il va réagir pour accomplir le bien et pour revenir vers Allah? Et l'une des choses qui est légiférée aux musulmans durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijja et tout le temps, c'est de préserver les obligations de la religion. On doit faire très attention à cela. Préserver les obligations avec leurs conditions, leurs piliers et leurs surrogatoires. Les savants conseillent aux musulmans durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijja et durant toute la vie, de préserver les prières obligatoires en commun, là où ils s'accomplissent, et d'y venir tôt. Et ce qui se remarque, c'est que beaucoup de gens viennent à la prière en retard. Chez certains, c'est une habitude. Est-ce que Salaf était ainsi avec la prière? Il a été rapporté dans la biographie de Saïd ibn Jubayr que pendant 40 ans, il n'a pas raté Takbirat al-Ihram avec l'imam. Ça veut dire pendant 40 ans, il était au premier rang et il était présent pour Takbirat al-Ihram avec l'imam. Certaines personnes avec la prière obligatoire, qui est le plus important pilier de l'islam après les 2 attestations de foi, sont négligentes au niveau de la plage horaire de celle-ci, au niveau des conditions de la prière, au niveau du pilier de la prière. Et ceci est très très grave. Et si la personne est négligente au niveau de la prière durant cette noble saison, comment il est alors le restant des jours de l'année? Allah al-Musta'an. Et je me rappelle à moi-même, ainsi qu'à mes frères et sœurs, que quand on lit la parole du messager alayhi salam, il n'est pas des jours où les œuvres sont plus aimées, où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-là, c'est-à-dire les premiers jours de Dhul Hijja. Dans notre esprit, la priorité doit être donnée aux obligations, les prières obligatoires. Car certains, quand ils entendent ce hadith, leur esprit va directement au surrogatoire, comme la charité, qui est une bonne œuvre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et vers d'autres bonnes œuvres de bien, pour avoir les mérites cités dans ce hadith. Mais il échappe à beaucoup le fait de s'occuper des obligations, et surtout la prière obligatoire. Il est dit dans le hadith authentique, celui qui la préserve, c'est-à-dire la prière, il sera une preuve, une lumière et un salut pour lui le jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, il n'aura ni preuve, ni lumière, ni salut le jour de la résurrection. Donc, il faut préserver les obligations et qu'on se rappelle la parole d'Allah dans ce hadith Qudsi, où il a dit Azza wa Jal, parmi les actions que mon serviteur accomplit pour se rapprocher de moi, aucune ne m'est plus aimée que celle que je lui ai imposée. C'est-à-dire que l'obligation, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on se rapproche de lui avec les obligations, les actes obligatoires qu'il nous a imposés, subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans ce hadith, dans la suite du hadith, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc se rapprocher d'Allah s'accomplit quand? Se rapprocher d'Allah avec les surrogatoires, s'accomplit quand? Après les obligations. On ne construit pas un palais et on détruisant un pays. Abadan. Donc, quand on lit ce hadith, il n'est pas des jours où les œuvres sont plus aimées d'Allah que ces jours-là. La première des choses à laquelle nous devons donner de l'importance, c'est la prière obligatoire. Et on cherche l'aide de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pour accomplir les bonnes œuvres durant cette noble saison, dans la prière, comme ceci est indiqué dans le verset, « Wasta'inu bisabri wassalat ». Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Aidez-vous, cherchez l'aide dans la patience et dans la prière. » Donc, nous voulons accomplir les bonnes œuvres durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, nous devons nous aider avec la prière. Et avec la prière obligatoire en priorité, à préserver dans sa plage horaire, là où nous devons l'accomplir en temps normal, et préserver ses conditions, ses piliers, ses surrogatoires, et ainsi de suite. La prière, si on s'en occupe, comme le veut Allah, et comme nous l'a enseigné le messager d'Allah, sera une grande aide pour nous pour le reste des œuvres. Et si on néglige la prière durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il sera une cause d'être privé du bien et de beaucoup de mérite. Et nous avons cité parmi les bonnes œuvres auparavant qu'il est préférable d'accomplir, de jeûner. De jeûner durant les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Jeûner ce qu'on peut parmi ces 9 jours. Car le jeûne est une œuvre, comme nous l'avons dit auparavant, est une œuvre aimée par Allah. Et pour tous ceux qui ne font pas le pèlerinage, il est fortement recommandé de jeûner le jour de Arafat, dont vous connaissez les mérites et l'expier les péchés de l'année qui s'écoule et ceux de l'année à venir. Car Dhul-Hijjah, c'est le dernier mois de l'année lunaire. Comment il s'y est celui qui est doué de raison de rater le mérite du jeûne de Arafat? Les savants attirent l'intention sur la générosité avec laquelle le Seigneur subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs et attirent l'attention sur la grande grâce et l'immense grâce avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs. Certains savants ont dit, les musulmans dans le monde, leur esprit est tourné durant ces 10 premiers jours vers de Dhul-Hijjah, vers les lieux sacrés de l'islam. Il y avait une grande envie d'accomplir le pèlerinage, mais la situation n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a imposé le hajj qu'une fois dans la vie. قال عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. La traduction approximative du sens du verset, Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage vers là, les lieux sacrés, vers la maison sacrée. Et comme ceci n'est pas à la portée de tout le monde, Allah a comblé ses serviteurs par les mérites de ces des premiers jours de Dhul-Hijjah et a fait que le jeûne de Arafat expie les péchés de 2 années. Et comme les pèlerins se rapprochent d'Allah par l'acte de l'offrande d'une bête, il a légiféré subhanahu wa ta'ala pour les musulmans le sacrifice pour s'associer aux pèlerins dans cette œuvre qui est le fait de couler le sang du sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour se rapprocher d'Allah et pour avoir son agrément subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha ولكن يناله التقوى منكم. La traduction approximative du sens du verset, ce n'est ni la chair ni le sang des bêtes qui est voulu par Allah, mais ce qui est voulu par Allah, c'est votre piété, votre taqwa. Taqwa qui est le fait de préserver les droits d'Allah et de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et ceci est une générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses soumis. Subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah. Et durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il a légiféré beaucoup de nobles œuvres de bien. La bienfaisance envers les parents, envers les proches, visiter les malades, la charité et toute autre forme de dépense dans le bien. Et toutes les bonnes œuvres pour lesquelles ton âme est motivée, accomplis-les. Et prodigue des efforts, toutes bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, pour lesquelles ton âme est motivée, accomplis-les. Et prodigue des efforts pour les faire durant cette saison méritoire. Certains savants attirent notre attention sur les mérites de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah en disant que les spécificités de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est qu'ils réunissent toutes les adorations, ce qui n'est pas le cas pour les autres temps de l'année. Les piliers de l'islam ne peuvent pas être réunis en tout temps dans l'année, sauf durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire dans l'ensemble, hein. Tous les piliers de l'islam sont réunis durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. La prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, ces adorations ne peuvent être réunies en général que pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Hein? Donc le pèlerinage ne peut pas être fait en dehors des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Donc la charité s'accomplit, elle fait partie des bonnes œuvres. Le jeûne aussi, il y a le jeûne de Arafat qui est fortement recommandé, et il y a les prières obligatoires et surrogatoires, et les invocations d'Allah et d'autres. Et certains actes peuvent être réunis à un moment de l'année, le pèlerinage ne peut être que durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. D'où l'importance de cette noble saison. Et comme on dit, l'être humain, il a le moment qu'il vit. Il faut pas qu'il le rate. Donc il faut faire très attention de ne pas être pris par les vagues des souhaits et du retardement des œuvres. Plus tard, plus tard, plus tard. Ça, c'est un gouffre pour tuer le temps et perdre les mérites du temps et perdre les mérites des nobles saisons. Dans 2 ou 3 jours, je vais faire. Hein? Dans 1 semaine, j'accomplis. La badana khal islam, tu as une noble saison devant toi. Accours. Rivalise dans le bien. Entreprends le bien. Tu ne sais pas si tu vivras encore une autre fois cette noble saison. Donc, dans 2 ou 3 jours, on va accueillir, incha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie la vie, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Il faut s'atteler et se préparer à prodiguer des efforts pour profiter de cette noble saison qui s'offre à nous, avec différentes formes d'obéissance. Allah Azza wa Jal, par sa grâce, a fait que la clôture de ces 10 jours, de ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, soit leur clôture, soit l'Eid, l'Eid du sacrifice, qui vient à la fin de ce noble pilier de l'islam et de cet important pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Comme Eid al-Fitr, l'Eid de la rupture du jeûne, vient après le jeûne du mois de Ramadan, après l'accomplissement du pilier du jeûne du mois de Ramadan. Et donc le jour du Eid pour les musulmans est un jour de bonheur, est un jour de joie, hein, pour les gens de l'islam et de la foi. Et les jours d'Al-Eid sont toujours, viennent toujours après une noble adoration. L'Eid, fête après le jeûne du mois de Ramadan. Là, le sacrifice après le pèlerinage et ainsi de suite. C'est pour ça que Salaf, les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, quand ils se rencontrent le jour du Eid, ils se félicitent mutuellement en se disant « Taqabbalallahu minna wa minkum ». Pourquoi ? Car le jour du Eid, c'est la clôture de grands jours de mérite. 10 jours, c'est la clôture des jours et des moments nobles, des jours où les bonnes œuvres doivent être accomplies. Méditez, Eid al-Fitr vient après ce noble acte qui est le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne de 6 journées, les prières nocturnes durant 6 nuits, et lors de la rencontre des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Eid al-Fitr, ils se félicitent mutuellement. Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Et le Eid du sacrifice arrive après le noble pilier de l'islam, le pèlerinage. Le Eid al-Fitr vient après les meilleures nuits de l'année. Après les meilleures nuits de l'année, les 10 dernières nuits de Ramadan, et le jour du Eid du sacrifice arrive après les meilleurs jours de l'année. Et là, il y a un point de ressemblance entre les deux décanes. La fin de chaque décane est un Eid, où les soumis se félicitent mutuellement pour les mérites de ces décanes. Mais le négligent, le désobéissant qui a perdu et n'a pas profité de ces 10 premiers jours et qui n'a pas profité des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le jour du Eid, il va se féliciter. Pourquoi ? Donc, pour ceux qui ont négligé ces 2 décanes, et qui les ont passés dans la désobéissance, doivent plutôt se mordre les doigts pour le bienfait qu'ils ont raté et se faire des condoléances pour la grande perte qu'ils ont eue. Donc, il incombe au soumis à Allah de donner de l'importance à ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah que nous allons bientôt vivre, Inch'Allah. Et nous avons vu auparavant les bonnes œuvres que le soumis peut accomplir, et fait partie de cela le sacrifice. Il est léger ferré aux musulmans en général, ceux qui font leur pèlerinage et ceux qui ne le font pas, de sacrifier une bête pour Allah selon les critères de la législation. Et le sacrifice est une sunna fortement recommandée pour ceux qui le peuvent. Il y a une forte liaison entre le sacrifice et les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Médite cela dans la parole du messager alayhi salatu wassalam. Ida dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sha'rihi wa la bashrihi shay'an. Dans le hadith, il est dit, quand arrive les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah et quelqu'un a l'intention de sacrifier, il ne doit ni couper ses cheveux, ni ses ongles, ni enlever quelque chose de sa peau et ainsi de suite. Et là, comme disent les savants, il y a une ressemblance avec le pèlerin qui est en état de sacrement, car les deux n'ont pas le droit de faire ce qui était cité auparavant. Se couper les ongles, hein, se raser les cheveux et ainsi de suite. Donc on voit ici clairement le rapport entre les sacrifices et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est pour ça que les savants disent que celui qui a les capacités et les moyens doit nouer l'intention avant l'entrée des 10 premiers jours de Dhul Hijjah pour le sacrifice, comme ça il se rapproche d'Allah par le fait de ne pas se couper ses cheveux, de ne pas se couper ses ongles, et jusqu'à ce qu'il égorge son sacrifice. Et le musulman doit être apaisé par la dépense du sacrifice. Il ne doit pas avoir de gêne dans son cœur à cause de la dépense du sacrifice. Il doit choisir la meilleure bête, la plus engraissée, la plus chère, et ceci selon les moyens de la personne. Certains essayent de trouver la moins chère, même s'il n'est pas conforme aux critères de la législation. Ils veulent justement juste se débarrasser et se dire « il a fait le sacrifice ». Et il est légiféré de manger de son sacrifice et aussi d'en distribuer aux nécessiteux et offrir aux voisins et en donner aux pauvres et aussi offrir aux proches. Et aussi, durant cette décade, on accomplit la prière du Eid avant de sacrifier sa bête. Hein? Et si maintenant le confinement continue dans certains pays de l'islam, on ne peut pas accomplir la prière, hein, du Eid dans les Monsallah en commun, bah on l'accomplit à la maison, avec la famille, comme il doit être accompli, comme nous l'avons vu lors de la description de la prière du Eid pour la fin du mois de Ramadan. Ceci, frère en Allah et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, est un rappel concernant les 2 premiers jours de Dhul Hijjah, qui n'est que la mise en application du verset qui nous ordonne de faire le rappel. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. La traduction approximative est rappel, car le rappel fait est profitable pour le croyant, fait du bien au croyant. Et c'est mon dernier rappel dans cette série. Mon confinement est une miséricorde d'Allah. À la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, je pourrai rejoindre lundi ma famille, Inch'Allah, au Maroc, à Qnitra. Et je profite de cette occasion pour remercier tous mes frères qui m'ont soutenu moralement durant cette période que le monde a subie. Et je dois reconnaître qu'Allah Azza wa Jal m'a octroyé un refuge des plus confortables et des plus agréables. Et toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala m'a comblé d'être confiné, d'avoir le refuge chez nos frères de Rambert d'Alban, qui ont été d'un grand soutien matériel et moral durant cette période, et d'une grande générosité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite, ainsi qu'à tous les musulmans, une hijra vers un pays de l'islam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège les familles de tous, face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifatihi al-ula, an ij'alna wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا